enceinte, vous. C'est champagne. C'est vrai. Putain, trop de la chance en ce moment. Ah, j'ai déjà du rouge. Ouais mais attends, mais c'est clair. Et vous sortez sur les enceintes là-bas et ici vous? Ouais. Ouais, ok. Je pense que ça sent mieux sur celle-ci. Ça sent mieux sur celle-ci? De quoi? Il y a de la bonne stéréo, il dit. Ah ouais?